de lumière. Ah, Shalom. Voilà. Nous attendons tous. Oh, c'est normal ça? Ok. Nous attendons tous l'heure de son retour. Pourtant, tout à l'heure, ça ne faisait pas de l'écho. C'est bon? Ok. Ok, c'est bon? Ok. Donc, nous attendons tous l'heure de son retour. Et la marche avec le Seigneur, c'est une marche quotidienne, chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, de jour en jour, jusqu'au jour de notre mort ou jusqu'à son retour. Amen. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la continuité de Exode. On va faire Exode 17, du verset 1 au verset 16. Et le thème d'aujourd'hui, c'est persévérance dans la foi. Persévérance dans la foi. Je ne sais pas, mais mon dernier message, c'était persévérance. Et aujourd'hui, c'est persévérance dans la foi. Bon. Peut-être que le Seigneur veut me dire quelque chose. Amen. Donc, on va lire Exode 17. Ce n'est pas un long chapitre. La dernière fois, Michel était offusqué que j'ai un petit passage. Mais bon, c'est la vie. Donc, Exode 17, du verset 1 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partie du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait données, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Le verset 8, « Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » L'Éternel, ma bannière, c'est Jéhovah Nissi, l'Éternel qui protecteur victorieux. Lorsqu'on prend Hébreux 3, les versets 12 à 13, la Bible déclare « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ici, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, prenez garde. Veillez à ce qu'aucun de vous n'ait un cœur incrédule et mauvais. À ce qu'aucun de vous n'ait un cœur incrédule. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire Dieu et sa parole. Le fait de ne pas mettre sa confiance en Dieu et dans sa parole. C'est ça l'incrédulité. Or, il est écrit dans Jacques que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi celui qui est incrédule se détourne de Dieu. Celui qui est incrédule, la conséquence de l'incrédulité, c'est l'éloignement d'avec Dieu. Mais ici, ce que Dieu dit, en d'autres termes, veillez les uns sur les autres afin que vous persévérer dans la foi. Afin que vos cœurs ne soient pas endurcis. Parce que l'une des conséquences de l'incrédulité, c'est aussi l'endurcissement du cœur. Le cœur est tellement endurci que peu importe ce que Dieu dit ou peu importe ce que Dieu fait, on ne le voit pas. Donc, veillez les uns sur les autres afin que tous vous puissiez persévérer dans la foi chaque jour. Alors, ce matin, à travers Exode 17, Dieu donne un exemple à ne pas suivre afin de nous inciter à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Exode 17:1. C'est pas un peu flou, c'est bon? C'est un peu flou? Ou c'est clair? Ok. Exode 17:1. La Bible déclare: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Lorsque vous lisez Nombre, vous allez voir que Dieu, en fait, la nuée était sur le peuple. Et elle avait une forme, la nuée, le jour, c'était une nuée, et la nuit, c'était une flamme de feu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le désert, il fait chaud. Et la nuée servait comme de parasoleil. Et dans la nuit, dans le désert, il fait froid. Et la colonne de feu les réchauffait. Donc, Dieu et cette nuée-là, quand elle se déplaçait, le peuple bougeait. Quand elle demeurait à un endroit, le peuple y restait. Donc, c'est Dieu qui véritablement dirigeait son peuple, conduisait son peuple. Et là, on dit, il quittait le désert de Sin pour Réphidim selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, c'est selon les directives. Ça veut dire aussi selon les directives que Dieu leur donnait. Selon les mandements, selon les instructions de l'Éternel, selon le commandement de l'Éternel. Donc, ils ne sont pas arrivés à Réphidim par leur volonté, où ils se sont dit, bon, on est fatigué de rester à Sin, bon, aujourd'hui, on s'en va à Réphidim. Non, c'est Dieu qui leur a commandé, qui leur a donné cette direction, c'est Dieu qui leur a fait bouger, parce que c'est le moment de quitter Sin pour Réphidim. Alors, ici, c'est une carte et le point rouge que vous voyez, c'est le lieu approximatif de Réphidim. Et comme vous voyez, Réphidim est loin de toute source d'eau. C'est en plein milieu du désert. Donc, en plein milieu du désert. Et là, si on veut continuer avec le verset 1, où il campait à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que à Réphidim, c'est Dieu qui les a conduits là. Ce lieu où le peuple ne trouva point d'eau à boire, c'est là où Dieu les a conduits. Donc ça veut dire que Dieu peut nous conduire dans des situations qui nous inconfortent. Dieu peut nous conduire dans des situations qui nous troublent. Dieu peut nous conduire dans des situations qui sortent de notre zone de confort. Parce que Dieu les a conduits dans un endroit où ils ne trouvèrent point d'eau à boire. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Parce qu'il voulait les faire mourir? Non. Dieu l'a fait parce qu'il voulait. Ah. Ah oui, c'est bon. Ok. Donc, pourquoi Dieu l'a fait? Dieu l'a fait parce qu'il ne veut pas les faire mourir. Il ne les a pas fait sortir d'Égypte pour les faire mourir, non, mais pour se glorifier, pour glorifier son nom au milieu d'eux, pour se faire connaître d'eux. Amos 3, les versets 4 à 6, la Bible déclare « Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture ? L'oiseau tombe-t-il dans un filet qui est à terre sans qu'il n'y ait un piège ? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris ? Sonne-t-on de la trompette dans la ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Arrive-t-il quelque chose sans que l'Éternel ne l'ait permis ? Ainsi, à Rephidim, deux choses. Manque d'eau, il y a un roi Amalek qui les attaque. Deux troubles. Pas des troubles majeurs. Dans un lieu où Dieu les a conduits. Donc on voit ici, dans cette partie où Dieu dirige son peuple, à Rephidim, parce qu'il a un plan. On l'a vu ce matin de l'autre côté. Dieu a un plan. Il a un plan pour tous, pour chacun de nous. Donc, dans ce contexte, dans cette situation, quelle est donc la réaction du peuple? Comment le peuple réagit? Et on le voit à partir du verset 2. La Bible déclare que le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Au verset 17, ils demandaient à manger. Dieu leur a donné du pain. Il leur a donné encore de la viande. Et peu de temps après, bon, pas du temps après, le temps s'est passé. Et là, ils se trouvent dans la même situation. Et regardez comment ils agissent, ils réagissent. Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Ah, c'est Moïse qui parle. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait sortir hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu. Et ils me lapideront. On voit ici le peuple qui cherche querelle à Moïse. En fait, ce n'est pas à Moïse. Parce qu'on le voit, ce n'est pas Moïse qui les a conduits à Rephidim. C'est l'Éternel. Donc, ils contestent avec l'Éternel. Ils tentent l'Éternel. Il murmure contre Moïse. En fait, il ne murmure pas contre Moïse, mais il murmure contre l'Éternel parce que c'est lui qui les a envoyés là. Et l'Éternel répondit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » Je saute et je viens au niveau du verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. J'ai mis entre parenthèses épreuve et querelle parce que c'est ce que ça signifie. Massa et Meriba, épreuve et querelle. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Cette question est, je ne dirais pas, elle est quand même, c'est tenter vraiment l'Éternel. Parce que comme je le disais dans mon introduction, ils avaient la nuée pendant le jour. C'était clairement visible. Et pendant la nuit, la flamme de feu. Mais malgré cela, ils disent, est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Et on vient de voir avant que l'Éternel a pourvu pour le pain, il a pourvu aussi pour la viande. Et là, il pose encore la question, est-ce que l'Éternel est avec nous? Il est au milieu de nous. Donc, on a vu que le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche querelle à Moïse. Mais il conteste avec Dieu. Il tente l'Éternel. Et pressé par les circonstances, par la soif, il murmure contre l'Éternel. Oui, contre Moïse, mais c'est contre l'Éternel qu'il murmure. Parce que c'est l'Éternel qui les a conduits à Rephidim. C'est bon? On voit ici leur incrédulité. Ils n'ont pas cru Dieu et ils n'ont pas cru en sa parole. La deuxième partie parle de la guerre entre Israël et Amalek. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de mon message, mais je vais juste faire un survol là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, ce n'est pas un Amalek en se levant contre Israël. En fait, ne s'est pas levé contre Israël. Amalek s'est levé contre l'Éternel. Parce que lorsqu'on lit le verset 16, au chapitre 17, il dit « Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. » Amalek s'est levé contre Israël, mais ici il dit « Contre le trône de l'Éternel, la main a été levée. » Donc en réalité, Amalek s'est levé contre l'Éternel. Et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Qui est Amalek? Amalek, je vous invite à lire Genèse 36, parce que Genèse 36 parle de la descendance de Ésaü. Donc Amalek fait partie de la descendance d'Ésaü. Ésaü qui est le frère de Jacob. Ici, combat, c'est une guerre entre Dieu et Amalek. Pourquoi? Parce que Moïse, ok, Moïse est allé sur la montagne avec la verge de Dieu dans la main. Et la Bible dit que quand Moïse élevait la main, donc quand la verge était élevée, la verge de Dieu était élevée, c'était Israël qui était plus fort. Mais quand la verge était abaissée, c'était Amalek qui était plus fort. Donc en réalité, c'est vrai que Josué était sur le champ de bataille pour se battre avec quelques hommes, mais en réalité, c'était Dieu qui combattait pour Israël. Donc il se révèle ici comme l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi, l'Éternel, le Dieu protecteur, le Dieu victorieux. Pour nous aussi, il est le Dieu protecteur, et il est le Dieu victorieux. Il est une bannière aussi pour nous. Donc, lorsqu'on revient à persévérance dans la foi, donc, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Ok? Aujourd'hui, ce que ça nous dit, c'est de croire Dieu et sa parole dans toutes les circonstances de nos vies. Hein, chacun à différents niveaux ou à différentes échelles connaît des épreuves, connaît des luttes, des situations qui l'inconfortent, des situations qui déstabilisantes. Mais ce que Dieu nous dit, c'est de croire en lui. Comme le peuple d'Israël qui était dans une situation d'épreuve, ils n'ont pas cru Dieu. C'est l'exemple d'incrédulité que Dieu nous dit, que Dieu dit de ne pas suivre. Dans cette circonstance, chaque jour, hein, chaque jour suffit sa peine, le Seigneur nous demande de le croire et de croire sa parole, de mettre notre confiance en lui et dans sa parole. L'application de rendre grâce en tout. J'ai beaucoup aimé le deuxième chant, le vol et la tempête. Hein? C'est dans 1 Thessaloniciens 5:18, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard. Et on sait que la volonté de Dieu en Jésus-Christ est oui et amen. Elle est parfaite, elle est bonne. Donc, rendez grâce en toutes choses. C'est vrai, je vis une situation difficile. Au lieu de me plaindre ou murmurer, ce que le Seigneur demande, c'est... Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile. Mais ce que le Seigneur demande, c'est « Seigneur, je te rends grâce de ce dans quoi tu me fais passer. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Rendez grâce en toutes choses. Pas seulement dans les bonnes choses, mais aussi dans les choses qui nous déstabilisent, dans les choses qui nous inconfortent. Car c'est à votre égard, c'est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'application 3 plutôt, veiller et s'exhorter les uns les autres. Je pense que c'est important que je le relise. C'est dans Hébreux 3, verset 12. Et prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Quand ça, seulement une fois par semaine, seulement deux fois par semaine, la Bible déclare chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Dans Actes 12, lorsque Paul et Barnabas ont fait le voyage, ils ont annoncé l'évangile et il y a des frères qui sont convertis. Et la Bible dit que Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fortifiaient ces nouveaux disciples de Jésus en les encourageant à persévérer dans la foi. S'exhorter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, c'est la vie en Église. Hein, c'est participer à la vie en Église. Par exemple, quand les jeudis, lors des églises maison. Chez nous, c'est jeudi, c'est pourquoi je dis quand les jeudis. Hein? C'est pas spécifiquement les jeudis, mais hein? Lors des églises maison, ok. Lorsqu'il y a un frère ou une sœur rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, ça m'encourage dans ma foi à persévérer. C'est une forme d'exhortation à persévérer. Lorsqu'on partage les Écritures, c'est une forme d'exhortation à persévérer. Même les dimanches. Hein, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Ça encourage à persévérer. Le matin, l'enseignement, tout cela encourage à persévérer. Et lorsqu'on parle entre frères et sœurs, lorsque chacun partage ce qu'il vit ou ce que Dieu a fait dans sa vie, tous ces ingrédients-là contribuent, nous aident à persévérer dans la foi. Donc ici, Dieu nous dit de persévérer. Chaque jour a ses défis. Chaque saison de nos vies a ses défis. Ce n'est pas toujours facile. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est que les actions de grâce prennent la place aux murmures et aux plaintes. De croire qu'il est là. Parce que cette situation contribue non seulement à glorifier son nom dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Parce que mettons que je vis une situation difficile et Dieu intervient, je vais venir en témoignage. Et ce que je vais dire va fortifier un frère, va fortifier une sœur dans sa marche avec le Seigneur. C'est ça, veiller et s'exhorter les uns les autres. Oui. Acte 14, oui, c'est ça. Merci, Christian. Acte 14, oui. Où je disais que Paul et Barnabas sont allés fortifier des frères. C'est Acte 14. 21. Donc, 1 Corinthiens 10, 11 à 12, en conclusion. Ces choses, quelles choses? C'est comme l'on a vu ce matin. L'heure sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et comment on le fait? En plaçant notre confiance en Dieu et dans sa parole, en s'exhortant, en s'investissant dans la vie d'Église et en rendant grâce en toutes choses à Dieu. Amen. Tu peux prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle est précieuse, elle est merveilleuse. Elle nous montre, Seigneur, comment agir. Comme l'a dit Pierre, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui restaurent, qui fortifient. Alors, Seigneur, nous te prions, nous te demandons de nous aider à persévérer dans la foi. Et que ton nom, Seigneur, soit ton œuvre dans nos vies, soit honorée, soit glorifiée. Continue cette belle œuvre que tu as commencée en nous et que tu rendras parfaite au jour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah.